Nous, dans le Finistère, il paraît qu'il pleut tout le temps, c'est ce qu'on nous dit. Il pleut. Ouais, il pleut pas tant que ça, en fait. C'est juste étalé sur toute l'année, certes, mais c'est pas énorme. On a beaucoup de vent, par contre. Et c'est pour ça qu'on a inventé la galoche Bigouden, qui permet, en fait, de jouer en plein air avec des éléments très lourds, qui évitent, évidemment, de se taper le vent et... Genre le badminton n'a jamais été inventé, ne sera jamais inventé au Finistère, ça c'est clair. Puis après une bonne partie de galoche bigouden, il n'y a rien de tel qu'une bonne galette, une bonne crêpe. Alors ça évidemment, galette, crêpe, deux écoles, il y en a qui disent que c'est pareil, d'autres pas du tout. Enfin bon, de toute façon, nous, c'est chez nous que ça se fait, hein. De toute façon c'est là que c'est né, quoi, il pas chier un menhir pour ça, c'est chez nous les galettes et les crêpes. Puisque c'est la même chose et je vous emmerde.